De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour, bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages. Et pour cette chronique, bien sûr, nous retrouvons Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va, détendu, un peu fatigué. Et toi ? Eh ben, moi aussi, ça va. Donc on va se soutenir l'un l'autre. Voilà, on va faire avec ce qu'on est aujourd'hui. Alors dans les chroniques précédentes, tu nous as donné plein de petits tuyaux concernant la demande, concernant l'écoute. Mais parfois, ça ne fonctionne pas toujours et on en arrive à une situation de conflit. Ouais. Et cette question du conflit, tu vas l'aborder sur plusieurs chroniques parce que c'est assez sérieux quand même. Ben oui, c'est assez central. Hein. Pouvoir améliorer les relations entre les gens, c'est se poser la question de la notion de conflit. Donc j'aimerais bien savoir pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un conflit, Yves ? Alors le conflit, ben, il arrive quand il n'y a plus de communication, je pense, quand on reste un peu campé sur ses positions et qu'il n'y a plus de dialogue. On peut définir ça comme ça. En fait, l'idée d'un conflit, c'est ce sur quoi on n'est pas d'accord. Déjà, oui, bien sûr. En fait, c'est un désaccord. Et ce qui est important de comprendre dans le conflit, c'est que c'est OK qu'il y ait des désaccords. En fait, accepter que le conflit, ça fait partie de la vie, étant donné qu'on est tous des êtres différents. Même si on a des besoins universels, on n'a pas tous les mêmes stratégies pour les remplir. On a vu qu'on n'avait pas tous les mêmes émotions selon les situations. Oui. Par exemple aussi, quand on a parlé des strokes, aussi il y a quelques séances, ben, on n'a pas tous la même façon de recevoir l'amour. Tu peux rappeler c'est quoi, en deux mots, les strokes? Et oui, les strokes, c'est les langages de l'amour. C'est comment j'aime donner et comment j'aime recevoir de l'amour. Ça peut être un service rendu, ça peut être une parole valorisante, ça peut être un contact physique, ça peut être un moment partagé, ça peut être un cadeau, un objet. Voilà. Et ces conflits, alors, mais c'est quand même ça, on ne peut pas vivre sans conflit. C'est déjà accepter cette idée-là, parce que quand on fuit le conflit, en vérité, on a un effet d'accumulation. Donc, c'est accepter l'idée que ça fait partie de la vie, parce que si on est tous différents, ça fait partie de notre altérité, en fait. Et donc, le conflit, en soi, il n'est ni bon ni mauvais. C'est la façon dont on va le traiter qui va être importante. Il peut être une opportunité. Il n'est pas obligé qu'un conflit, par exemple, dévie en violence. Et souvent, on fait le chemin très rapidement entre le conflit et la violence. On a expliqué aussi dans des chroniques avant qu'est-ce que c'était que la violence. Hein, c'est le fait de nuire à quelqu'un, de provoquer chez lui de la peur, de l'intimidation. Et donc, en fait, il y a plein de façons d'être violent. Mais le conflit, il n'est pas nécessairement violent. Et des fois, on régule des tas de conflits dans sa journée sans s'en rendre compte. Et de façon satisfaisante, on est devant une porte, deux personnes en même temps. Il y en a un qui choisit de reculer, l'autre qui choisit d'avancer. En un quart de seconde, on vient de régler un conflit. Il faut juste savoir maîtriser l'escalade des émotions derrière. Alors, il y a l'aspect émotionnel et il y a l'aspect, en fait, en vérité, quand il y a conflit, il y a différentes postures possibles dans le conflit et c'est pour ça qu'on va en parler dans les prochaines séances pour vous aider à mieux choisir comment faire quand vous êtes dans une situation de conflit et en faire quelque chose de constructif. Eh bien, rendez-vous pour la prochaine chronique. Voilà. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.